Donc là, on va enchaîner avec Lorraine qui va nous parler de l'accès aux droits pour les femmes. Bonjour, donc je m'appelle Lorraine, moi je suis militante féministe, je suis avocate. Donc je vais essayer de rapidement de faire un état des lieux des différents textes, des différents articles. Bon après c'est un peu fastidieux parce que c'est juridique, mais je vais plutôt donner un peu un vade-mecum ou donner en tout cas des éléments concrets pour faciliter l'accès aux droits pour les femmes victimes de violences sexuelles. Parce que comme Suzy l'a dit, on vit dans la culture du viol. La culture du viol c'est un concept qui date des années 70, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'en fait la société elle crée le viol, elle est fondée sur des mythes et c'est ces trois différents mythes, c'est la négation et la minimisation du viol. En gros, un viol, c'est pas important, c'est pas grand-chose. C'est ce que Suzy disait. Bon, voilà, faut pas se plaindre. Et encore aujourd'hui, de manière contemporaine, c'est ce qu'on peut entendre dans la société, même s'il y a une légère progression. Le deuxième mythe, c'est la négation du consentement. Elle a bien voulu, elle portait une mini-jupe, elle avait des talons hauts. Après tout, si on se retrouve dans une fête et qu'on boit, eh ben, faut pas se plaindre ensuite si on se fait violer. Ça, on l'entend encore aujourd'hui dans les commissariats de la part des personnes qui relèvent, qui prennent les plaintes. Donc, c'est la faute toujours de la victime et quelque part, elle était consentante. Donc c'est le deuxième mythe. Et le troisième mythe, évidemment, c'est la culpabilisation de la victime. Bah, c'est sa faute. Hein, pourquoi t'étais là? C'est, on pose, en fait, on va braquer les projecteurs sur la victime et jamais sur l'auteur des violences. Donc, dans les procès, on va avoir cette fâcheuse tendance d'aller parler du consentement, d'aller étudier scrupuleusement l'attitude de la victime et jamais celle de l'auteur. Et donc, on va inverser la culpabilité de la victime. Et ça procède de la culture du viol. Culture du viol qui, est partout dans la société. Elle est dans la porno, on va pas se cacher. La pornographie, qu'est-ce que c'est? C'est du viol en images. Ce sont des femmes et des hommes qui sont non consentants, non désirants au moins, que l'on paye pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est du viol, ça crée des syndromes post-traumatiques au même titre que du viol, de regarder de la pornographie, en tout cas celle qui est violente, puisqu'elle est de plus en plus violente, et elle est omniprésente. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite, parce qu'on parlait de responsables tout à l'heure, il y a évidemment les auteurs, mais aussi toute la culture, toute la complaisance qu'il y a autour, qui facilite, qui permet et qui ensuite culpabilise les victimes en leur disant « Comment ça? T'aimes pas la sodomie? Mais attends, on voit ça tous les jours si tu fais... » Donc si vous voulez, c'est cette espèce de culture qui va en fait réduire les femmes au silence, ou les femmes et les hommes d'ailleurs, et permettre, facilite, et le viol dans la société. Et donc ça, on le retrouve tous les jours dans les procès, tous les jours au commissariat. Et en effet, quand on est victime de violences sexuelles, c'est un parcours du combattant. C'est un véritable parcours du combattant, parce qu'on se retrouve en face, justement, de personnes qui sont complètement, phagocytées par cette culture du viol. Et c'est extrêmement difficile de porter plainte, extrêmement difficile de se voir reconnaître son statut de victime. Donc on va revenir rapidement sur les dispositions du code pénal, enfin les principales. Donc il y a l'article 222-23 qui définit le viol. C'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise. À savoir qu'on ne parle même pas de consentement. Donc le consentement, on oublie. Dès que quelqu'un vous parle de consentement, on n'est pas dans la définition juridique du viol, on est en train de divaguer. On reste sur la définition où le consentement, on ne le demande pas, il n'est pas dans la définition juridique. On est sur la contrainte, la menace ou la surprise, sachant que la contrainte peut être psychologique. N'est pas que contrainte physique, elle a été reconnue par la jurisprudence, la contrainte psychologique est considéré comme une contrainte, sachant que dans les viols, on va le revoir ensuite, il y a une stratégie de l'agresseur, parce qu'en fait, pour pouvoir se voir reconnaître son statut de personne victime de viol ou d'agression sexuelle, tout le processus va consister à inverser la logique de la culture du viol et de braquer le projecteur sur l'agresseur, parce que les agresseurs, ils ont toujours la même stratégie en 5 étapes, on reviendra dessus, mais en gros, c'est la séduction, l'isolement, la mise en confiance, la surprise, l'agression et l'inversion de la culpabilité. C'est toujours la même chose, on le retrouve dans chaque cas, et si on se concentre sur les agissements de l'agresseur, on va s'apercevoir très rapidement que c'est assez facile de rapporter des preuves, et contrairement au fait, à la logique qui consiste justement à dire « Mais pourquoi vous étiez là? Pourquoi vous n'avez pas dit non? Mais alors, mais comment ça se fait? Vous montez en haut? Vous l'embrassez? Mais c'est quelque part, vous le vouliez, non? Je sais pas. » Enfin, on va justement éviter de s'appesantir sur ce que la femme, elle a fait, et on va très vite comprendre qu'en fait, les violeurs, ils savent exactement ce qu'ils font, ils profitent de l'état de surprise en finalement séduisant la personne, en la mettant en confiance, et tout d'un coup, soudainement, vont devenir agresseurs. La personne va se retrouver dans un état de sidération. de sidération, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle était en confiance, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé. Et cet état de sidération, c'est la contrainte psychologique qui est dans l'article de cette loi, et c'est sur ça qu'il faut absolument appuyer pour prouver le viol. Cet état de sidération, et donc expliquer, repartir de la chronologie de l'agresseur, et montrer le moment de basculement, le moment où on était en confiance, le moment où en fait on pensait que là on avait été avec un copain, en fait, on avait, en effet, on buvait, en effet, on avait une mini-jupe, mais en fait, le mec, il était gentil jusqu'à en fait le moment où il a sauté sur moi et qu'il m'a violé, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en lumière. Et c'est toujours, toujours, toujours, toujours le même cas. Sachant qu'il y a quand même, les viols, 80% d'entre eux sont commis par un proche. Donc le mythe du viol qui en fait on se promène tranquillement dans la forêt, il y a un agresseur qui arrive et qui vous séquestre, ça c'est pour les gros titres des journaux, mais l'immense majorité des viols, entre 80 et 90%, c'est des amis. Donc déjà le premier entre guillemets la première partie de la stratégie du viol, à savoir la mise en confiance, elle est de fait. Elle est dans 80% des cas, c'est un pote, c'est un cousin, c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un qui de toute façon avait accès à nous, avec qui on était en confiance. Donc l'état de sidération, il est automatique, c'est-à-dire la mise en confiance et avec soudain le changement brutal de comportement. Voilà, 80% déjà c'est de facto. Donc déjà premier mythe à évincer, c'est le viol n'est pas en général c'est un membre de la famille. Donc deuxième définition juridique, c'est l'agression sexuelle. Ah oui, alors pour revenir sur la définition du viol, en gros donc c'est toute pénétration sexuelle. Pénétration sexuelle, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait c'est le sexe qui est pénétré, donc le sexe de la victime, soit c'est le sexe de l'auteur qui pénètre la bouche ou l'anus de la victime. Donc ça veut dire que si le sexe rentre dans la bouche, il rentre dans pénétration vaginale, pénétration anale, c'est du viol. Après ça peut être pénétration digitale, donc des doigts dans les organes sexuels, c'est un viol. La fellation aussi, donc le sexe dans la bouche, c'est pareil. Donc il faut qu'à chaque fois il y ait un sexe et une pénétration, et ça suffit pour la qualification de pénétration sexuelle. Ensuite le reste, ce sont des agressions sexuelles. Là on n'est plus dans du crime, on est dans du délit. Pour les autres, c'est toutes les autres agressions sexuelles. Toutes les autres agressions sexuelles sont un délit, à savoir que les agressions sexuelles, c'est le fait, donc du coup, de toucher certaines parties du corps, donc les seins, la bouche, les fesses, le bas du dos, les cuisses, l'entrejambe. Il n'y a pas de pénétration. La bouche aussi, où je l'ai dit, et ça, c'est une agression sexuelle. Si on touche d'autres parties du corps avec un caractère sexuel, c'est du harcèlement sexuel. Ça rentre dans l'autre définition du harcèlement sexuel. Donc, je vais vous la lire. Elle est un peu fastidieuse et un peu compliquée. Donc, là, on est aussi dans du délit. Faut que je le retrouve. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, est assimilé au harcèlement sexuel, le fait même non répété, donc une seule fois, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc là, on voit que ça, c'est du harcèlement sexuel. Donc c'est le fait, par exemple, de caresser les épaules, ce genre de choses, c'est du harcèlement sexuel. Le fait est c'est assez large. Il faut évidemment faire attention parce que il faut rapporter la preuve de tout ça. Et c'est là où je vais en venir, c'est que la preuve, souvent, elle est très difficile à rapporter parce que dans la stratégie de l'agresseur, il y a l'isolement. On est souvent seul à seul avec son auteur, avec l'auteur de violence. Donc ça veut dire que ça va être parole contre parole. Et donc le récit des victimes, il est extrêmement important, et c'est pour ça que c'est primordial, quand on est victime de violences sexuelles, d'être entouré, d'aller voir des associations, d'avoir un bon psy, parce que en fait, seul contre le système, c'est juste impossible, à moins d'avoir une chance vraiment très très très grande. Parce qu'en général, comme Suzy l'a très bien dit, les juges, les magistrats, les enquêteurs et la société en général est extrêmement mal formée à ces questions-là et est encore emprunt largement de tous ces mythes du viol, de la culture du viol, qui consiste à dire que bon, quelque part, si elle a été violée, c'est qu'elle l'a bien voulu, et qu'en même temps, il faut pas tenter en fait les hommes parce qu'ils ont des désirs irrépressibles et que voilà. Donc si vous voulez, tout ça, c'est encore extrêmement emprunt, et donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas y aller seul. Il faut s'entourer de personnes, il faut s'entourer d'associations, parce que le combat, il va être long, il va être rude, on va remettre en question votre parole, on va culpabiliser la victime, c'est systématiquement ainsi, et il faut absolument pas aller seul dans ce combat, et surtout, dans ce cas, il faut aller voir des avocats ou il faut aller voir des associations, il faut préparer son discours. Pourquoi ? Parce que quand on a subi un viol, on est en état de choc, évidemment, et que le discours de la victime, il est extrêmement confus. Il est confus parce que quand on a subi un viol, on est dans un état de dissociation, ou en tout cas on est en état de choc, on n'est pas capable de refaire la chronologie correctement. On a tous nos sens qui sont perturbés, on n'a pas forcément conscience de s'il faisait jour, s'il faisait nuit, qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait du bruit, on ne sait plus qui était là, s'il y avait du public, on ne sait plus si la porte était fermée, si la porte était ouverte. Donc si vous voulez, on est dans cette espèce d'état de confusion. Si on se rend au commissariat et qu'on livre pêle-mêle cet état, nos perceptions et la façon dont les choses se sont produites, il y aura probablement des incohérences, des inconsistances. Incohérences et inconsistances dans lesquelles, évidemment, la défense va s'engouffrer et va chercher à, évidemment, décrédibiliser la parole de la victime sur des incohérences qui sont finalement purement subsidiaires. Et c'est pour ça que le discours de la victime, malheureusement, il faut le préparer. Il faut le préparer en amont avec des avocates. Et il faut surtout que ce discours, parce que le discours de la victime qui va être en situation de culpabilité, il va porter sur elle. Qu'est-ce que moi j'ai fait ? Elle va parler d'elle, elle va pas parler de lui. Parce qu'elle, elle n'aura pas forcément eu conscience, elle n'aura pas forcément le recul de voir en fait la stratégie que lui, il a mis en place pour qu'elle arrive là et qu'il puisse la violer. Et donc elle va dire, moi j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et finalement d'elle-même, elle va parler que d'elle. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir faire un travail en amont avec les femmes, ou avec les hommes, en tout cas avec les victimes de violence, pour être capable en fait finalement de, lorsqu'elles vont délivrer leur discours au commissariat et porter plainte, accentuer l'intégralité de leur récit sur ce que lui, il a fait. Et donc c'est là où je vais revenir à la stratégie du viol qui est absolument toujours la même, la stratégie de l'agresseur, quelles que soient les agressions, c'est absolument toujours la même chose, on le retrouve de manière systématique. Et quand on cherche bien, on le retrouve systématiquement. Et donc il y a la mise en confiance. Donc, et déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on prouve l'intention. Parce qu'il y a des personnes qui vont, évidemment, le droit pénal exige qu'il y ait, de l'intentionnel. Et souvent dans les procès pour viol, ce qui va être extrêmement compliqué à rapporter, c'est l'intention de l'auteur. Parce que lui, il va dire, moi je savais pas qu'elle voulait pas, elle a pas crié, elle a pas pleuré, je comprends pas, elle m'a pas frappé, moi j'ai pas compris. Alors ça c'est si on n'est pas capable justement de montrer comment est-ce qu'on en est arrivé au moment du viol. Il faut être capable de retracer chaque instant. Et donc, il faut arriver à prouver l'intention. Et quand on prouve la stratégie de l'agresseur, on prouve l'intention puisqu'on voit qu'il y a préméditation. Et donc, il y a la mise en confiance. Ensuite, il y a l'isolement. Parce qu'évidemment, l'immense majorité des viols sont en fait seul à seul dans une chambre ou en tout cas de manière isolée. Et ensuite, il y a le moment, justement, fatidique où il y a cette espèce de sidération. Ce choc où finalement on va passer d'un état de confiance à un état où la personne en fait va être incapable de se défendre parce qu'elle va être extrêmement surprise, elle va être totalement sidérée dans un état de sidération totale qui va l'empêcher de se débattre, l'empêcher de crier, l'empêcher parfois même de parler, de juste dire non. Et on va pas et voilà, on va dire mais pourquoi vous avez pas crié madame? Mais comment ça se fait que vous avez pas crié? Pourquoi? Il y avait des gens juste à côté. Vous auriez crié, les gens seraient arrivés. Eh ben non, parce qu'en fait la personne elle avait confiance dans la personne avec qui elle était et soudainement il a bondi sur elle, il y a quelque chose qu'elle ne pouvait pas préméditer, auquel elle ne pouvait s'attendre, ça l'a mis dans un état de sidération et si on l'explique c'est dommage que Muriel Salmanen soit pas là mais puisque c'est une psychologue une psychiatre d'ailleurs qui a élaboré des thèses là-dessus dont les travaux sont les travaux entre guillemets fondateurs sur ces questions-là. On montre en effet que l'état de sidération est un état qui immobilise la victime et qui l'empêche de se défendre. Et donc il faut être capable de le prouver ça. Et la victime, ces mots sont, elle doit le dire. Dire moi, tout d'un coup, j'ai senti que je n'étais pas capable de me défendre. En fait, j'étais tellement choquée, j'étais en état de sidération. Et voilà, il faut le dire. Il faut pas expliquer parce que si on lui pose la question, mais pourquoi vous avez pas crié, il y en a qui ne savent pas répondre. Ben ici, il faut répondre. Je ne pouvais pas du fait de l'état de sidération. Et donc une fois qu'il y a cet état de sidération, après il y a l'agression évidemment, et après il y a la dernière qui consiste à inverser la culpabilité et à faire taire la victime, la mise sous silence. Si tu en parles, tu auras des vengeances, je vais me venger. On dira mais tu vois c'est toi qui le voulais. Et donc la victime de toute façon elle aura tendance elle-même à se culpabiliser, elle va se demander comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée là. Et donc du coup c'est d'autant plus rapide, c'est d'autant plus simple que la victime elle-même va être dans ce phénomène de culpabilisation et donc elle va elle-même peut-être si elle livre son discours spontanément au commissariat axer la chose sur elle-même ou peut-être même pas porter plainte parce qu'on sait que les taux c'est à peu près 10% des femmes portent plainte pour agression ou pour viol. Donc on peut imaginer, les statistiques disent qu'une femme sur trois est victime d'agression sexuelle ou de viol, ce qui est en fait énorme. Ce qui est énorme, ce qui prouve que bon, il y a du travail. Et donc du coup, il faut absolument pas y aller tout de suite. Il faut évidemment préparer son discours, refaire la chronologie, axer tout sur l'auteur, essayer de retrouver les différentes étapes pour les décrire, pour expliquer pourquoi on n'a pas été capable de se répondre, pour anticiper ces questions. Parce que en face, dans les commissariats, souvent les bureaux de plainte, c'est des quidam. Il y a dans les commissariats depuis quelques années des référents violence, mais c'est pas forcément eux qui prennent les plaintes. C'est assez rare. En général, c'est plutôt c'est même pas des OPJ, c'est tout simplement voilà. Des sous-gradés, je sais pas comment on dit ça, mais qui prennent la plainte comme ça, mais qui sont pas du tout formés sur la question. Et donc il est indispensable justement d'être bien prête et de pas y aller seule, d'être accompagnée ensuite, parce que ça va être un long parcours, évidemment. Va y avoir une confrontation avec l'auteur, évidemment, parce que c'est indispensable pour la défense pénale. C'est ainsi que la justice voit les choses. Donc on va demander dans le bureau du juge d'instruction, d'être assis à un mètre de son violeur et de te confronter à lui, parce que ça va être ça. Et c'est impossible de se défausser, à moins d'être mineur et encore. Et donc ça va être un très long parcours, et c'est pour ça que de nombreuses femmes, voilà, et hommes d'ailleurs, ne portent pas plainte, mais pourtant c'est indispensable. Ça c'était pour les indices par rapport les conseils si jamais vous avez été victime de violence, ou si jamais quelqu'un de votre entourage est victime de violence sexuelle ou victime de violence, parce que en fait la stratégie de l'agresseur, c'est pour toutes les agressions, c'est toujours la même stratégie. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Je sais pas si je veux dire d'autres trucs, mais bon, voilà. Non, merci de cette intervention. Je suis complètement sidéré du chiffre que vous donnez d'une femme sur trois. Mais de violence ou de violence sexuelle? Une femme sur trois. Ça veut dire qu'ici, il y a une femme sur trois qui a été victime, statistiquement. Merci. Une question plus particulièrement par rapport à ce que vous venez de donner, le cadre légal. Qu'en est-il de la situation spécifique d'une femme violée par son mari, c'est-à-dire forcée à des relations sexuelles auxquelles elle n'a pas consenti? Est-ce qu'il y a une particularité là à signaler? Oui, absolument. C'est une circonstance aggravante, en fait. C'est-à-dire que le viol sur conjoint est une circonstance aggravante. Il n'y a pas un article spécifique pour le viol conjugal, mais c'est une circonstance aggravante, donc qui, en fait, passe de 15 ans à 20 ans. Donc c'est une circonstance aggravante. Alors c'est très compliqué, très compliqué dans les faits, évidemment à prouver, parce que les gens sont pas du tout encore, en tout cas les enquêteurs et la justice ne sont pas encore prêts du tout à admettre en fait l'existence du viol conjugal. Donc sauf si c'est un viol violent comme à l'époque où on demande qu'il y ait des blessures, parce que Suzy parlait de ce viol des campeuses dans les années 70, où en fait parce qu'elles n'avaient pas hurlé ou parce qu'elles s'étaient pas débattues, elles avaient fini par céder, alors même qu'ils avaient des armes, hein, il me semble, pour les menacer. Et ben on avait estimé que finalement elles avaient consenti. Si au départ elles étaient contre, elles avaient fini par accepter. Donc on demande en fait finalement de manière très archaïque qu'il y ait des blessures sur le corps, donc en gros des lésions vaginales ou des lésions anales. Donc hormis ces cas-là, ça va être assez compliqué, parce que les enquêteurs ils sont pas forcément prêts à l'admettre non plus. Ça arrive évidemment d'arriver à le prouver dans un contexte général de violence, mais sincèrement les procureurs ils poursuivent jamais là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a des violences conjugales, ils vont garder les certificats UMJ. Donc c'est-à-dire que quand une femme est victime de violences conjugales, c'est extrêmement important qu'elle aille voir son médecin régulièrement, qu'elle garde ses certificats, même si elle veut pas porter plainte, qu'elle aille voir une association, de laisser des traces, d'en parler à des gens, même si elle veut pas porter plainte tout de suite, il faut le faire, il faut parler à des amis. C'est ces éléments-là qui vont pouvoir être apportés ensuite le jour où elle va vouloir porter plainte. Il faut aller voir des médecins, garder les certificats, les mettre en sécurité, parce que le procureur ne poursuit que sur des éléments factuels aujourd'hui. C'est extrêmement rare d'arriver à avoir des décisions sur de la violence psychologique ou sur des faits qui n'ont pas des traces des certificats, des attestations médicales. C'est extrêmement compliqué. On ne veut pas reconnaître les violences conjugales. C'est extrêmement dur. Et en gros, si jamais une victime porte plainte pour pour des violences physiques parce qu'elle a un bleu au visage et ensuite elle raconte qu'elle est violée tous les soirs par son mari, le procureur ne poursuivra pas sur le viol. Il poursuivra sur le bleu au visage. Il obtiendra 3 mois avec sursis parce qu'en plus, s'il a un travail, c'est avec sursis, il ira jamais en prison parce qu'il faut pas le rien. Comme Suzy disait, évidemment, il y a aussi une justice des classes. Quand un homme qui bat sa femme a un travail, il ne fera pas de prison ferme. Très très sincèrement, par contre, évidemment, s'il n'a pas de travail, pourquoi pas. Mais il aura une adaptation parce qu'il ne faut pas le désinsérer. J'ai régulièrement des cas comme ça où on obtient une culpabilité, mais les peines. Bon, moi je ne dis pas que la prison c'est forcément une solution, hein, je ne dis pas ça non plus. Mais si vous voulez, pour les victimes, c'est aussi très compliqué parce qu'il ressort, il est là, dans la rue, hein. Il est à côté de chez elle, il les suit parce que les maris violents, ils ne lâchent pas leurs épouses. Il y a la possibilité d'avoir un téléphone grand danger, mais c'est extrêmement compliqué. Le téléphone grand danger, c'est ce dispositif qui a été généralisé, qui permet aux femmes d'avoir un téléphone et d'appuyer sur une touche et avoir une intervention généralement en 20 minutes par les officiers de police judiciaire. Mais il y en a, je crois, 19 ou 20 à Paris. Il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a très très peu et on les délivre très rarement. Il faut une ordonnance de protection ou une décision de justice. C'est extrêmement difficile à obtenir. Mais bon, c'est un dispositif qui fonctionne quand même. Mais bon, il faut quand même savoir qu'une femme est tuée par son mari tous les 3 jours. Et que généralement, dans l'immense majorité des cas, ces femmes avaient déjà porté plainte contre leur conjoint violent, et parfois certaines d'entre elles avaient déjà obtenu une ordonnance de protection. Donc voilà, on peut comprendre qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de défendre les femmes qui sont victimes de leur mari violent, et que le viol conjugal, il n'est pas puni en France, même s'il y a en effet une circonstance aggravante dans le code pénal. Oui, sur le viol conjugal, il y a quand même... Au niveau de la lutte qu'on a pu mener, il y a quand même quelque chose de très très intéressant. Quand on a obtenu la loi dont je parlais tout à l'heure, la loi de 1980, elle donnait une définition précise du viol. Tout acte de pénétration sexuelle commis par la personne d'autrui par violence, contrainte, surprise et menace qui a été rajoutée après, constitue un viol. Moi, pour moi, quand on dit tout acte de pénétration sexuelle, ça inclut le viol conjugal. Pas de problème. Sauf que, effectivement, comme l'a dit Noreen, ça ne marchait jamais. Et il a fallu relégiférer là-dessus en 2006 et dire dans la loi, parce que 2006 c'est aussi une autre loi sur les violences qui a été votée, on en a plein, hein. Mais comme ils vont jamais au bout, il y en a toujours plein. En 2006, il a fallu effectivement nommer explicitement le viol conjugal. Bon, alors c'est explicitement dans la loi maintenant, mais ça ne veut pas dire effectivement, comme Lorraine l'a dit, que ça marche si bien que ça. Moi, je suis gynéco à Bruxelles, et nous, à force de cas de personnes qui arrivaient au commissariat de police en se plaignant d'une agression sexuelle comme femme ou comme homme, puisqu'il y a des viols sur des hommes aussi, en général, on leur proposait de recommencer parce que sûrement, si c'était arrivé, c'est qu'il y avait une raison de provocation qu'ils devaient aimer et que finalement, ils allaient y goûter aussi. Bref, c'est le constat actuellement à Paris. Jamais, très rarement, les gens font appel à la police parce qu'ils savent que ça va être pire que tout. Voilà. Nous, en Belgique, depuis à peu près 20 ans, tu vois, c'est proche ? Ah oui. Depuis à peu près 20 ans, toute personne qui se plaint d'agression sexuelle, que ce soit un mineur, un homme ou une femme, doit être d'office amenée à la garde médicale. Et on prend 2 heures d'examen. C'est-à-dire qu'avec des gants, on les met dans des sacs séparés. On fait des frottis partout pour identifier la personne. Voilà, on fait des frottis partout pour identifier la moindre trace qui permet de reconnaître la personne. Ça peut être dangereux, parce que ça peut aussi être des gens de l'armée, ça peut être des gens de la police, donc ça peut se retourner contre le gynéco. Ça augmente les conflits entre les professions. Bref, et donc, sinon, en dehors de ça, c'est très compliqué, je veux dire, même d'identifier la personne. Et en plus, il faut faire un dessin avec toutes les traces, les lésions, expliquer l'histoire de la personne, croire l'histoire de la personne, écrire l'histoire telle qu'elle a été, de la personne telle qu'elle a été décrite. Ensuite, la personne est testée pour voir si elle a pas attrapé le sida, si elle n'était pas enceinte, voilà. Et ensuite, la personne est vue par un psychiatre. Voilà, nous, chez nous, c'est en place depuis à peu près... Et vous avez des examens de la PJ. Ah voilà, ok. Et ce sont des gardes de médecins. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait violer, parce que moi j'ai discuté avec pas mal de personnes ici à Paris, je me suis pris une tournante. Ça va, je sais faire une hypnose, j'ai hypnotisé ma victime, ok, je m'en suis tirée. Et j'ai discuté avec une série de personnes, les nanas, les femmes, les jeunes filles, les adolescentes ne savent absolument pas qu'elles peuvent aller, qu'il y a des sets de la PJ, qu'elles auront droit à un examen médical s'il y a une agression sexuelle. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'il ne faut pas appeler la police. Que ? Bah bon, moi, c'est de ce que j'ai perçu, entendu en discutant avec pas mal de personnes. Je réponds. Oui, oui. Alors, en fait, quand vous allez porter plainte et qu'il y a eu un flagrant délit, évidemment, enfin, en tout cas, l'agression vient de se produire, évidemment. Et bon, il y a des fois où ils le proposent pas, mais en général, quand même, c'est bien le cas. On se rend aux unités médico-judiciaires. On peut pas se rendre spontanément aux unités médico-judiciaires à part s'il y a extrême urgence. Dans ce cas-là, les officiers de police judiciaire se déplacent sur place pour prendre la plainte en même temps ou concomitamment entre guillemets à l'examen médical qui va être procédé aux unités médico-judiciaires. Qui sont les seuls médecins habilités à recueillir les éléments probatoires qui vont servir dans l'enquête. Donc si vous vous rendez à l'hôpital, s'il ne faut pas se laver, il ne faut pas se rendre voir son médecin traitant ou à l'hôpital normal, ils vous renverront vers les unités médico-judiciaires. Et pour pouvoir avoir accès aux unités médico-judiciaires, il faut une réquisition des OPJ auprès desquels vous avez porté plainte. Donc ça va très vite, hein, vous rentrez. Voilà. Alors le problème, c'est évidemment, si on n'est pas accompagné, ça peut être très rébarbatif et ça peut même dissuader les personnes d'aller plus loin en fait. Si vous devez passer par le commissariat et racontez que vous venez de vous faire violer avant et d'attendre en file d'attente. Bon, généralement, quand même, ils essaient d'aller vite, mais ça arrive très, très souvent que ce soit dissuasif. Avant d'aller attendre dans une file d'attente aux UMJ pour vous faire, pour avoir vos prélèvements et compagnie, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement traumatisant et ça peut dissuader. Mais ça, on n'est que dans les cas, évidemment, de violence imminente où la violence vient d'être produite. Et comme le délai de prescription, c'est 10 ans, on peut porter plainte pour viol, même 5 ans, 7 ans, 10 ans après les faits. Même si c'est extrêmement difficile pour les preuves, si on est capable de reconstituer la chronologie des faits, on a des témoins, on a des éléments, il faut quand même le faire et il faut être accompagné évidemment. Mais donc on est dans ces cas précis, il n'y aura pas besoin de d'examen médical puisque évidemment les faits sont anciens. Mais voilà, donc c'est pas tous les viols évidemment qui donnent lieu à des réquisitions pour les UMJ. Après il y a des réquisitions pour le retentissement psychologique et ça c'est très important. Parce que quand on a subi un viol, évidemment, ça a un impact sur sa psyché. Ça, c'est une intrusion physique et les victimes de viol ont en fait des séquelles qui sont extrêmement similaires. Et si on est capable de faire attester par le psychiatre des UMJ, hein, donc que celui-là et pas un psychiatre lambda, et par une réquisition en fait pour le retentissement psychologique, en fait, il va être capable de dénombrer en fait le syndrome post-traumatique en fait que la personne a, dont elle est victime, à savoir certains comportements, certaines peurs, un état dissociatif par rapport à son corps, certains éléments qui en fait corroborent entre guillemets ces faits. Et les faits qui ont été produits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un syndrome post-traumatique si on n'a pas subi un trauma. Et donc, si on a été violé, on a subi un trauma. Si on a un syndrome post-traumatique, c'est un élément qui atteste aussi, au même titre qu'une cicatrice, du fait qu'on a subi. Alors peut-être, il va falloir être capable de prouver qu'il y a un lien entre le trauma et le viol allégué, mais c'est déjà un élément supplémentaire. Donc il n'y a pas que les UMJ, il n'y a pas que les attestations, les prélèvements gynécologiques ou autres. Il y a aussi ce retentissement psychologique qui est extrêmement important à démontrer. Et donc pour ça, il faut aussi avoir des réquisitions pour retentissement psychologique. Donc si vous allez au commissariat, mais normalement ils le font, hein, mais parfois ils refusent, il faut faire très attention. Il faut non seulement demander une réquisition pour aller aux UMJ, mais il faut demander la réquisition psy aussi. Hein. Il faut insister de dire oui, moi je veux aller, j'ai un retentissement psychologique. C'est pour ça qu'il faut être accompagné, il faut connaître ces choses pour être sûr que les choses se passent pas, ne soient pas évincées parce que malheureusement les gens sont pas très bien formés. Juste là-dessus, il y a un délai qui est hyper court, non ? On me disait 24 heures ou 48 heures pour aller faire ses analyses et que du coup, beaucoup de meufs laissent passer le créneau. Alors, il n'y a pas de délai légal, entre guillemets, mais c'est vrai que plus tôt on y va, mieux c'est. Et en fait, quand vous allez porter plainte, vous allez directement aux UMJ normalement. Si c'est pas le cas, c'est pas bien. Il faut vraiment insister normalement. Ils vont même vous emmener dans leur voiture. C'est ça qu'on doit demander. C'est-à-dire quand on vient de subir une agression, qu'on se rend au commissariat pour porter plainte pour viol, il faut que ça soit, vous ayez un rendez-vous aux UMJ, non pas le lendemain, immédiatement. Mais quand même ça, ça s'est amélioré. En général, ils le font. Il faut garder ses habits, ils vont vous les demander. Et donc, il faut demander à y aller immédiatement. Immédiatement, c'est dans la soirée. Si c'est le lendemain, ça peut encore aller. Mais bon, généralement, c'est immédiatement. Et ça s'est amélioré. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on n'a pas à attendre 48 heures ou 24 heures. Normalement, c'est dans la foulée. Ils vous envoient aux UMJ directement. Ils peuvent vous accompagner en voiture. Ils ne vous laissent pas y aller tout seul. Et donc, du coup, c'est, les prélèvements sont faits très rapidement. Ce qui est un vrai enjeu, en effet. Le scénario le plus classique pour l'agression des femmes, c'est quand elles rentrent chez elles. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre chez soi et qu'il se sent suivi, il ne faut pas rentrer, parce qu'en général, le scénario, une fois sur deux, c'est la personne qui rentre chez elle, la personne qui s'engouffre, soit à l'intérieur de l'appartement, la personne ou de la maison, soit dans le hall. Voilà, ça c'est le scénario classique. Alors, c'est vrai que, comme généralement les personnes qui portent plainte pour viol le font généralement dans des cas où il y a eu une agression dans la rue par un inconnu, ça peut être en proportion ce qu'on retrouve le plus devant les tribunaux, mais les ratios, par contre, ça c'est pas forcément vrai. Les vrais ratios du viol, donc les viols qui sont pour lesquels il n'y a pas forcément de plainte, c'est 80% des cas, un membre de la famille, un ami proche. Donc c'est pas quand on rentre chez soi, c'est quand on est déjà chez soi tranquillement avec une personne, ou quand on est chez un ami, ou quand on est en soirée qu'on se fait violer. Pardon ? Ah, en Belgique, d'accord, mais je pense que c'est partout pareil. Donc évidemment, quand on porte plainte pour viol, on le fait en général quand on se sent plus de le faire ou plus légitime de le faire quand c'est pas un proche, évidemment, parce qu'évidemment, il y a la culpabilité, si c'est un membre de la famille en plus, où il y a toute cette pression sociale qui consiste à faire taire la victime en plus, à minimiser notamment chez les mineurs, parce que toutes les statistiques qu'on a sur les viols, c'est sur les viols des adultes. Donc quand on dit, quand on donne le chiffre de femmes violées, on donne le chiffre des adultes, on prend rarement compte ceux des mineurs, parce que ces chiffres-là sont assez peu connus. Et l'immense majorité des viols sont généralement dans l'enfance, quand on est très jeune. Et en fait, il y a un énorme tabou sur l'inceste et sur les viols dans les familles et tout ça, qui ont des conséquences extrêmement graves sur les personnes, parce que généralement, le contexte familial fait qu'il y a en plus une incapacité de se voir reconnaître le statut de victime, puisqu'on va faire taire le mineur, puisque les enfants parlent, contrairement à ce qu'on dit. Les enfants, ils ne vont pas taire le viol, ils vont en parler et on va les faire se taire. On va les réduire aussi, on va minimiser ce qui leur est arrivé, on va pas vouloir entendre, et c'est généralement, ça a des conséquences extrêmement graves sur la psychologie de ces enfants-là, qui vont du coup être niés dans leur statut de victime. Et par exemple, nous en tout cas, quand on accompagne des personnes, on s'aperçoit par exemple que dans la prostitution, les personnes qui sont en situation de prostitution depuis, qui sont pas victimes de traite, donc il y a quand même la minorité, hein, parce que les personnes en situation de prostitution, c'est 80% sont victimes de traite, donc elles sont forcées à la prostitution. Dans celles-là, l'immense majorité, si c'est pas l'intégralité, on subit des viols. Pardon ? Quelqu'un cherche une pince à épiler. Oui, parce que j'ai une écharpe dans le doigt. Donc, si quelqu'un a une pince à épiler pour que j'enlève, je ne dis pas non, hein. Ça fait mal. Voilà. Personne ? Il n'y a que des femmes, mais il n'y a personne qui a une pince. Alors, ça, c'est sexiste. C'est sexiste, je tiens à le faire remarquer, mais c'est pas grave. Mais c'est pas sexiste, c'est vrai. Moi, je suis pas sûr avec une pince à épiler, je vais m'épiler le. Bah, nous non plus, hein, fille. C'est pas sexiste. Bon, attendez, madame, vous n'en savez pas. Non, alors, comment ? Je vais dire que c'était pas sexiste. Non, mais alors, il dit que c'est pas sexiste, mais ça n'engage que lui, voilà. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Bon, au revoir. Moi, je voulais revenir un petit peu à l'attitude de la justice. Effectivement, ce que Lorraine disait, aller rapidement aux unités médico-judiciaires, etc., etc. Ça, c'est comme ça que fonctionne dans la réalité la justice. Le problème, et c'est aussi un sacré problème, c'est que les femmes victimes de viol, elles fonctionnent pas comme ça. Quand on a été violée, immédiatement après, on n'a pas envie de filer au commissariat et de filer aux unités médico-judiciaires. Ce qu'on a envie de faire, c'est de passer des heures et des heures sous la douche pour se laver de tout ce qu'on a pu subir. Il faut effectivement, c'est bien de garder ses vêtements. On a juste envie de les foutre à la poubelle, etc., etc. Et ce qu'il faut voir, c'est que la justice, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a que 10% de femmes qui portent plainte, et ça, c'est pas des lois, c'est la façon dont fonctionne la justice. La justice n'est pas adaptée à entendre le récit des femmes victimes de violences. Et il faudra bien qu'un jour, elle change là-dessus. ça amène à des Jacqueline Sauvage, ça amène à des tas de choses comme ça, des dénis de justice totales, parce que la justice, elle fonctionne pas comme il faut par rapport aux femmes victimes de violences. Elle n'est pas adaptée à entendre le récit des femmes victimes de violences. C'est exactement ça, et on le retrouve dans toutes les différentes formes de violence. On va demander à la victime en fait de rapporter donc la preuve. Bon, ça c'est comme ça que le droit pénal est articulé, hein, la preuve des violences. Mais on va la confronter à son agresseur. Par exemple, dans le cadre des ordonnances de protection, donc on peut revenir sur ce qu'est une ordonnance de protection. C'est la possibilité pour une femme qui a subi des violences conjugales, donc ça veut dire de son mari, mais aussi de son conjoint. En fait, il faut que la personne habite avec le conjoint. S'ils ne sont pas domiciliés au même endroit, l'ordonnance de protection ne leur est pas accessible. Donc seulement les femmes qui vivent avec soit un conjoint impaxé, enfin un concubin en gros, ou un mari violent, d'avoir accès en fait à une mesure qui interdit ce dernier de s'approcher d'elle. Et cette mesure est accompagnée par d'autres mesures que l'on peut demander, comme en effet on chasse le mari violent ou le conjoint violent du domicile conjugal. Les enfants peuvent donc du coup être hébergés uniquement avec la femme. On peut demander l'autorité parentale exclusive directement. Donc ça, il faut rapporter des éléments extrêmement, on va dire, étayés, parce que c'est très très difficile d'obtenir l'autorité parentale exclusive, même si la réforme dans une loi là de 2016, le législateur a prévu un nouvel alinéa à l'un des articles du Code civil qui dit qu'on peut retirer l'autorité parentale violent, même s'il n'a pas été condamné. Donc ça, il faut le savoir. Même si la personne n'a pas été condamnée pour violence, il y a une possibilité de lui retirer l'autorité parentale et donc de donner l'autorité parentale exclusive aux époux. C'est extrêmement important parce qu'avec l'autorité parentale, le mari, le conjoint peut continuer à exercer ses violences psychologiques sur son épouse en lui interdisant de changer les enfants d'école, en l'interdisant de toutes les décisions importantes vis-à-vis des enfants, les opérations médicales, les possibilités de consulter un médecin, un psychologue et tout ça. Il peut s'opposer, donc peut mener une vie relativement infernale à l'épouse qui elle est traumatisée évidemment, ou l'épouse ou la conjointe. Et donc c'est la possibilité donc d'obtenir l'autorité parentale exclusive, d'obtenir une pension, pour un entretien en fait au chat, enfin pour permettre d'entretenir les enfants. Donc un grand ensemble de dispositions, mais quand on demande une ordonnance de protection, il y a le contradictoire, c'est-à-dire que du coup, l'épouse va se retrouver nez à nez avec son agresseur dans le bureau du JAF, parce que le juge aux affaires familiales, c'est un juge unique, c'est un bureau qui est grand comme un bureau. Elle va être assise là, il va être assis là. Il y aura que les avocats au milieu, alors que c'est l'auteur de violence depuis des années et des années et des années, et il aura le droit de se défendre. Donc il va avoir le droit de donner sa version des faits, il va avoir le droit de dire qu'elle est folle, de produire ses journaux intimes, il va avoir le droit de l'insulter, entre guillemets, évidemment sans se passer pour une victime, en disant que c'est lui, que c'est elle qui est folle, il se fait attaquer par elle, il n'en peut plus, elle est hystérique. Et donc elle va devoir entendre ça aussi, l'épouse, et donc avant d'obtenir son ordonnance de protection. Donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile. Évidemment, il faut être extrêmement accompagné. L'immense majorité des femmes victimes, enfin en tout cas, les violences conjugales sont dans tous les milieux sociaux, absolument tous les milieux sociaux. Chez les politiciens, chez les bourgeois, dans les milieux précaires. Mais toutes ces femmes, en général, sont extrêmement isolées. Il y en a qui gagnent leur vie, mais il y en a beaucoup qui sont isolées aussi économiquement, ce qui fait que du coup, elles ne vont pas avoir facilement accès à la justice et aux avocats, parce qu'un avocat, c'est cher. Ou à l'aide juridictionnelle, l'avocat, il va pas avoir le temps de prendre le récit. Il va pas forcément avoir le temps de passer des heures et des heures et des heures et des heures à reprendre le récit de 15 années de violence conjugale avec une personne dont la mémoire traumatique va être extrêmement importante, parce que subir des violences répétées, ça impacte le cerveau. On se souvient plus de rien. On se souvient de pas grand-chose. Tout est embrouillé. Il y a un travail fastidieux de reconstitution archéologique de la chronologie des faits, de la stratégie de l'agresseur, parce qu'évidemment l'agresseur organise son impunité. Il se fait passer pour un charmeur autour, il donne le change. Tout le monde le trouve charmant, cet homme qui est si agréable à l'extérieur, qui sait si bien parler, alors que elle se tait, jamais elle parle. Pourquoi elle parle pas? C'est parce qu'en fait elle en prend tellement que finalement elle est recroquevillée sur elle. Donc l'agresseur en général il organise son impunité. Elle va en parler à personne parce qu'elle a honte. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il va falloir reconstituer. Pour ça, il faut énormément de temps. Et la justice est en fait comme elle est. Pour avoir accès à un avocat, soit on a de l'argent, ce qui est extrêmement rare pour les femmes, surtout si elles quittent le domicile et que du coup elles se retrouvent sans revenus. Soit c'est à l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle pour une ordonnance de protection, c'est 400 € pour un avocat. Il n'y a pas beaucoup d'avocats, à part quand ils sont militants, qui font ce travail. Parce que c'est extrêmement long et fastidieux. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Il n'y a rien qui est fait pour accompagner ces femmes-là. Et c'est à elles de porter tout le risque, toute la charge. Et c'est complètement inversé. Et donc, ce n'est absolument pas adapté. Et ça, il faut le savoir. Et donc, heureusement, il y a des associations. Il faut se rendre dans ces associations. Parce que ces associations connaissent des avocats qui sont militants, qui sont capables de faire ce travail, qui sont formés aux violences. Elles ont des bons psychologues. Parce qu'il faut évidemment être accompagné psychologiquement immédiatement pour pouvoir faire des attestations, pour prouver qu'il y a un retentissement psychologique. Il faut être accompagné, évidemment, pour pouvoir se rendre au rendez-vous, pour pas changer d'avis en cours. Parce qu'on va changer d'avis. Parce qu'il va il va harceler le mari, le conjoint, qu'on va penser que personne va nous croire parce qu'il va avoir créé des preuves en envoyant des textos toutes les semaines en disant des choses du type « arrête de me violenter ». Et oui, parce que le mari violent, lui, il crée des preuves, il envoie des lettres. Comme ça, il est sûr que la victime, elle est terrorisée. Elle se dit « voilà, ça y est, il y a des éléments contre moi, personne ne va me croire ». Donc tout est organisé pour faire taire les victimes. Et donc il faut évidemment être très bien accompagné. Et donc il faut être à l'écoute aussi en tant que citoyen. Si on a des doutes, si on voit qu'il y a des violences conjugales, si on les identifie, il faut aller voir, il faut leur parler, il faut les inviter à aller voir des associations, même si elles ne portent pas plainte. Il faut pas laisser les choses se faire, il faut faire des attestations. Il faut que la société se mobilise pour lutter contre la culture de violence, contre les violences patriarcales et contre la culture du viol. C'est indispensable, on a tous un rôle à jouer. Si tout le monde, si les voisins, au lieu de quand ils entendent des cris, ils appellent la police, un PV... de main courante avec un policier qui se déplace pour violence conjugale, je peux vous dire que ça peut changer la donne dans une affaire. Et donc il ne faut pas avoir peur, ce qu'il y a chez les voisins, c'est pas anodin. C'est des gens qui sont... Et une femme est tuée tous les 3 jours par son mari. Donc il ne faut pas laisser les choses se faire. Il faut intervenir. On est tous responsables. Non-assistance à personne en danger. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler les associations? Nous, on pourra mettre tout ça sur notre page, sur notre site et tout, mais pour les personnes qui sont là, qui n'ont pas forcément Internet, ou je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs assos, mais je pense que Suzy les connaîtra mieux peut-être que moi. Alors déjà, il y a le numéro du collectif contre le viol, donc c'est le numéro unique, c'est le... C'est un numéro vert. Alors attendez, vous tapez sur Internet collectif contre féministe contre le viol ou numéro d'urgence viol. Le numéro il est affiché souvent. C'est un numéro unique, c'est un numéro gratuit. Donc ça, c'est vous allez être accompagné téléphoniquement pour tout ce qui est violence. Ensuite, il y a des associations de mise à l'abri. Alors moi, je connais bien dans le 92. Il y a l'Escale, il y a le centre Flora Tristan, mais il y a un numéro unique en fait où vous appelez et on vous oriente vers les différents centres. Donc pour les femmes qui sont dans l'urgence, qui veulent partir. Alors pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui veulent quitter le domicile, elles ont le droit de quitter le domicile avec leurs enfants, même si évidemment le monsieur va faire passer ça pour on enlève les enfants, il va aller au commissariat, il va dire que l'épouse a enlevé les enfants, mais elles ont le droit de partir, évidemment à condition qu'elles aillent dans une association. C'est extrêmement important. Le fait d'aller se réfugier dans une association, ça change tout. Si on est à l'hôtel, c'est plus difficile. Donc il faut se rendre dans les associations, être hébergé dans les associations. Elles ont des réseaux d'hôtels, elles ont des centres, il faut absolument y aller. Quand on part, il faut préméditer, il faut prendre le carnet de santé, faut prendre les pièces, faut prendre tous les documents parce qu'il va tout brûler, évidemment, il va tout détruire. Il faut prendre ses affaires personnelles et il faut partir avec ça sous le bras, des affaires pour les enfants. Il faut aller dans un centre où on est hébergé d'urgence. Et donc, il y a un numéro unique qui vous oriente vers les différents foyers. Donc, tout ça est très bien organisé. Peut-être que Suzy, tu peux redonner les noms des assos. Donc, sur le viol, collectif féministe contre le viol, c'est le 0800 05 95 95. Je crois que ça marche de 10h à 19h. Alors sinon, il y a un numéro qui est censé tout chapeauter et qui peut rebalancer sur des associations plus spécifiques, c'est le 3919. Et sachez que si vous êtes victime de violence, le numéro n'apparaîtrait pas dans les factures, etc., etc. C'est-à-dire que si vous pique, si pique les factures en disant t'as pas arrêté de les appeler, etc., etc., vous inquiétez pas, le numéro est effacé, il n'apparaît pas. Donc vous pouvez appeler le 3919. Effectivement, normalement, c'est la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Elle s'occupe plutôt des violences conjugales, mais elle peut aussi, d'exemple, sur le collectif féministe contre le viol. Hein. Voilà. Et là, il y a une ouverture beaucoup plus large que le collectif féministe contre le viol. Sinon, sur le harcèlement sexuel au travail, c'est l'association... contre les violences faites aux femmes au travail, la VFT. Alors je connais pas le numéro par cœur, ça c'est un numéro payant. Alors elles font pas d'hébergement ni rien, elles font plutôt de l'aide juridique. Mais elles se portent partie civile auprès des victimes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif féministe contre le viol, peut-être qu'il faut attendre un peu, mais il y a aussi des groupes de parole de femmes victimes de violences. Donc, qui peuvent exister. Donc, plutôt que d'aller chez un psy, moi-même, j'en ai animé un pendant 13 ans, collectif féministe contre le viol. C'est-à-dire, c'est un certain nombre de femmes, c'est non mixte. Là, c'est non mixte, oui. C'est un certain, évidemment, c'est un certain nombre de femmes qui se retrouvent ensemble pendant un temps donné, qui ont toutes été victimes de viol en l'occurrence, et qui discutent, qui travaillent autour de ce qu'elles ont subi. Et je crois que un groupe de parole, c'est quelque chose d'extrêmement fort, parce que il n'y a pas une relation duelle comme chez un psy. C'est tout le monde se met à soutenir tout le monde, et c'est vraiment très très très très efficient. Sinon, dans toute la France, il y a des associations locales hein, qui mènent du travail, qui reçoivent sur rendez-vous, etc., etc. Mais faut effectivement ne pas hésiter à aller voir les associations. Hein. Voilà, je sais que quelquefois on hésite beaucoup, mais normalement on est bien reçu. Bah, voilà. S'il y a d'autres questions. Mais en fait, il y avait une troisième intervention qui était prévue par Muriel Salmona, mais elle donc qui est une psychiatre spécialisée dans la trauma, pour faire en fait expliquer les conséquences des violences, notamment des violences sexuelles sur la psyché. Mais malheureusement, elle s'excuse, elle a pas pu se déplacer, elle est extrêmement prise. Bon, peut-être qu'à une autre, on refera peut-être, si vous êtes d'accord, peut-être quelque chose sur cette question-là, parce que c'est important de comprendre les conséquences. Mais Suzy, tu peux peut-être en dire quelque chose, parce que toi, t'as déjà t'as une expérience là-dessus, pour faire brièvement les choses. Ouais, j'ai rien préparé de spécifiquement. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des expériences, il y a des conséquences très très traumatiques après un viol, hein, mais ça peut être de toute nature, hein, ça peut être l'impossibilité d'aller travailler, l'impossibilité de se déplacer, ça peut être complètement psychosomatique, des maux de dos, des choses comme ça, ça peut être le fait de faire confiance à personne, ça peut être le fait de revoir sans cesse les images de ce qu'on a subi, etc., etc., de ressasser sans cesse, de sentir des odeurs de ce qui s'est passé au moment où le viol ou les viols ont été perpétrés. C'est quelque chose qui est extrêmement destructeur pour la personnalité. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut faire quelque chose autour de ça, parce que sinon ça détruit la personnalité à petit feu. Je crois qu'il faut agir auprès de psy formés là-dessus, parce que c'est pas très évident, ou alors auprès de d'associations qui auraient des groupes de parole qui peuvent aider. C'est voilà quoi. Ce que disait, je sais pas votre nom, Pascal, c'est que il fallait peut-être mettre l'accent sur le contexte qui entoure le viol. Avant le viol, il y a d'autres choses, à savoir qu'il y a en effet dans la société une complaisance, c'est ce qu'on appelle la culture du viol, hein, une complaisance, une facilitation en fait du viol, une facilitation aussi. On parlait des jeunes par le fait qu'ils aient accès massivement en fait à des images de viol, parce que la pornographie c'est du vrai viol, hein, ce qu'on voit sauf peut-être dans le YouPorn, et encore c'est pas sûr, parce que moi pour le coup, sur certaines enquêtes, il faut quand même savoir que sur YouPorn, il y a des vrais viols. En fait, il y a des personnes qui sont enlevées dans des pays et que l'on force à avoir des relations sexuelles. Mais sur YouPorn, comme étant des relations sexuelles entre un couple qui s'aime, en réalité, non, c'est de l'exploitation sexuelle. De toute façon, dès lors qu'il y a de l'argent, c'est du viol. Parce que dès qu'il y a de l'argent, en fait, on n'est certainement pas dans quelque chose de désiré. Sinon, bah, on le fait de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être payé pour le faire. Donc la pornographie, c'est en effet un vrai débat. C'est une vraie question. C'est en effet l'un des médiums de la culture du viol. Et je pense que tant qu'on ne s'en sera pas attaqué à la pornographie, qu'on l'aura pas appelé par son vrai nom, à savoir du viol en image, on continuera à lutter extrêmement difficilement contre le viol. Parce que comment expliquer à des jeunes qu'il faut avoir des relations respectueuse et désirée et non individuelle, qui est la définition de la santé sexuelle selon l'OMS, quand on passe en permanence des images de sexualité où on dégrade toujours la même personne, les femmes, où en fait, et de la sexualité toujours plus violente et dégradante avec une espèce de mythologie sadienne où en fait on pourrait dégrader, frapper, cracher, uriner, déféquer sur une personne par plaisir. Cette idée qui est en fait l'idée dans la philosophie sadienne, elle lutte activement contre justement ce pourquoi nous battons tous les jours, justement la sexualité respectueuse, la sexualité désirée et réciproque, qui est celle qui ne détruit pas, parce que nous on accompagne des victimes de viol. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est la reproduction de ce qu'on voit dans la pornographie. C'est du viol en image. Et Muriel Senna, c'est dommage qu'elle soit pas là, mais il y a des études qui le prouvent, notamment les siennes, mais plein d'autres. Des études qui sont reconnues, qui servent de fondement sur des avis dans des sommets internationaux, qui prouvent que regarder du viol, c'est comme en subir un, ça crée un syndrome post-traumatique. Ça annihile, ça anesthésie les sentiments, ça crée chez les personnes qui les visionnent, et notamment chez les jeunes, ça crée de la violence. Et c'est pour ça que dans des procès, lorsqu'il y a des procès pour des viols en réunion, comme il y en a très souvent, auxquels j'ai parfois l'occasion d'assister, tout le monde est estomaqué. Comment comprendre que 12 enfants quasi mineurs, 15, 16, 17 ans, 13 d'entre eux violent une jeune fille? Mais personne ne comprend. Alors on les juge, on les condamne. Parfois on les condamne. Mais on ne pose pas la question de pourquoi des jeunes de 15, 14, 13 ans violent. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce qu'on les laisse regarder de la pornographie où ils voient du viol en image. Moi, j'ai déjà demandé à un jeune, pourquoi est-ce que quand tu vois une jeune fille se faire violer au lieu de la défendre, tu viens la violer avec les autres? Pourquoi? Je lui ai posé la question. Il m'a dit, j'en sais rien. Mais c'est très simple la réponse, c'est parce que justement il y a dans la société absolument partout une complaisance généralisée envers le viol, parce qu'on en fait l'apologie constamment dans la pornographie. Parce que les actrices pornographiques, les actrices et les acteurs, ils ont une espérance de vie de 40 ans. Ils ont 350 pénétrations par jour. C'est des personnes qui sont des personnes prostituées, c'est des personnes qui ont une espérance de vie extrêmement courte parce qu'elles prennent de la drogue et qu'elles se suicident aussi. C'est de l'exploitation sexuelle, c'est des gens qui sont déplacés de territoire en territoire. L'immense majorité de la pornographie, c'est ça, et c'est ça qu'on nous passe à longueur de temps. Comment voulez-vous que nous, on lutte à armes inégales, en se rendant dans les collèges, en parlant de sexualité aux jeunes, quand on leur passe de la pornographie à longueur de journée? Quand on autorise sur les panneaux publicitaires des femmes réifiées à l'état d'objet pour vendre du yaourt? Vous luttez à armes égales contre ça. Et on nous l'impose. On nous l'impose, et tout ça, ça facilite le viol, ça fait taire les victimes. C'est la société de la haine de soi. La société où, en fait, dans la culture du viol, les victimes, les femmes, en général, mais aussi les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont victimes de viol, sont encouragés, sont presque vénérés dans leur statut de victime, heureuses d'être victimes. Comme dans des films complètement mystifiés de femmes prostituées heureuses et épanouies. Comme dans des films où on voit, le dernier film qui vient de sortir où la femme, je sais plus quel gros con a fait ce film, mais elle est violée et finalement, elle reprend vengeance, où elle va tracer son violeur et elle va avoir une relation sexuelle avec lui consentie. Enfin, c'est complètement hallucinant. C'est évidemment absolument pas la réalité du viol. Le viol qui détruit, le viol qui réduit à l'état, dans un état de traumatique extrêmement important, qui conduit à l'autodestruction souvent, quand il est nié. Et donc, évidemment, cette société de complaisance où on permet dans des médias des choses comme des films, de la propagande pro-viol à haute dose, c'est à cause de ça, évidemment, que le viol est extrêmement difficile à éradiquer et que, évidemment, il y a des viols sur des mineurs, par des mineurs, de plus en plus jeunes. C'est qu'il faut pas se mentir, le viol il disparaîtra pas tant qu'on permettra à sa haute diffusion et son accessibilité à haute dose aux mineurs et aux adultes dans la pornographie, mais pas uniquement que dans la pornographie, mais dans tous les véhicules visuels, médiatiques que l'on a aujourd'hui dans notre société. Et c'est évidemment cette complaisance qui permet le viol naturellement. Et qu'il faut vraiment pas être complaisant avec la pornographie. Renseignez-vous sur les conditions de tournage et sur les conditions de vie des personnes qui sont victimes aussi d'exploitation sexuelle, qui sont les acteurs de la pornographie, et vous verrez ce qui se cache derrière. Mais c'est extrêmement difficile de lutter contre ça, parce que ça brasse énormément d'argent, évidemment. Donc c'est aussi l'une des raisons, il faut aussi le pointer du doigt, du viol. Donc moi je veux revenir sur la pornographie, qui est le sujet abordé là maintenant. J'ai vu un reportage sur internet qui parlait justement de la pornographie et en fait c'était des acteurs qui étaient devenus réalisateurs et qui réalisaient un film pornographique. Et à la fin de ce reportage, je me souviens avoir vu un célèbre réalisateur apparemment, en gros, qui disait que globalement, qui prenait ses actrices pour de la chair fraîche. Donc, pour moi, la conclusion, c'était qu'en gros, la pornographie, c'était juste prendre les êtres humains pour des objets et pour des objets, de la marchandise, pas des êtres qui peuvent ressentir peut-être des émotions, je sais pas, mais c'était ce que j'en avais conclu. Et aussi au cours du reportage, il y avait une actrice qui expliquait qu'à 40 ans, en fait, les tendons des genoux lâchaient parce que à force de se faire baiser sur des surfaces planes et dures, les genoux lâchaient. Voilà. Oui, la réalité de la pornographie et même de la prostitution, elle est évidemment, désastreuse. Que les études médicales qui ont été faites sur les personnes qui sont dans la prostitution et qui sont dans la pornographie, elles font froid dans le dos. Évidemment, c'est des lésions internes irréversibles. C'est aussi des dommages psychiques irréversibles, ou en tout cas difficiles à soigner. C'est complètement, comme vous dites, c'est de l'abattage total. Et il faut aussi, il faut reprendre cette réalité en compte. Il faut pas fermer les yeux aussi sur l'existence du fait que 40 ans d'espérance de vie dans la pornographie. Je veux dire, même dans les bidonvilles en Inde, c'est 43 ans. Donc j'ai envie de dire, c'est pas un hasard. Et en effet, il faut pas être dupe. Il faut pas être dupe de cela et il faut pas être dans une complaisance en disant si elles sont super bien payées ou après tout si elles le font c'est qu'elles aiment bien. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'immense majorité des parcours de vie de ces femmes-là, c'est souvent des gens qui sont exploités aussi pour des raisons économiques, mais c'est aussi des personnes qui ont vécu des violences traumatiques dans l'enfance, qui sont dans cette répétition de la violence traumatique parce qu'on n'entre pas dans la pornographie ou dans la prostitution par hasard. On ne cède pas son intimité par hasard. Si nous, tous, autant que nous sommes, nous le faisons pas, c'est qu'il y a bien une raison. Si on est capable de céder son intimité pour de l'argent et pas pour le plaisir, c'est bien que notre corps ne nous appartient pas. Et s'il ne nous appartient pas, c'est qu'on nous a habitués très jeunes à ce qu'il ne nous appartienne pas. Et que du coup, qu'il est là, ce corps, pour faire plaisir aux autres. Et qu'il n'est pas à nous, que notre désir à nous et que notre plaisir à nous, il ne compte pas. Qu'après tout, il peut être monnayé. Ça s'appelle la réification. ça s'appelle la réification, et ça c'est la destruction complète et totale du statut de l'individu. Donc si des gens sont là pour vous dire oui, nous on est prêt à le faire, mais nous en tant que société on dit nous on n'est pas prêt à ce que la société profite des gens qui sont capables justement de s'autodétruire. On a, nous en tant que société, une obligation aussi de réagir par rapport à ça et de dire ok, certes, nous on comprend, vous êtes, voilà, vous êtes dans votre positionnement, mais il est, pour nous il est absolument intolérable qu'une société puisse faire de l'argent, puisse profiter de la vulnérabilité de personnes, parce que si nous on le fait pas, c'est qu'il y a bien une raison, que l'intégrité physique c'est quelque chose qu'on ne peut nier, que si la société commence à nier l'intégrité physique, alors je ne comprends même pas pourquoi on lutte pour quelques normes de protection que ce soit de l'individu et du corps. Après tout on vend les organes, on vend les enfants, on fait tout, voilà ce qui existe déjà, hein, parce qu'il y a déjà des endroits où on vend des enfants, des nourrissons, il y a déjà des endroits où on vend des organes. Nous on, comme société, on doit évidemment s'opposer à ça et comprendre évidemment les mécanismes psychologiques qui entraînent les personnes vulnérables dans ces systèmes-là, systèmes d'exploitation extrêmement pernicieux qui fondent leur business plan sur l'exploitation humaine, parce que ce n'est que ça. Parce qu'il faut quand même savoir que les personnes prostituées, elles rentrent dans la prostitution à 14 ans en moyenne, qu'il y a des proxénètes qui viennent les chercher à la sortie de l'aide sociale à l'enfance des foyers, des fugueuses dans les gares. Dans leur business plan, ils savent très bien que les femmes et les personnes vulnérables qui sont capables d'être exploitées sexuellement, c'est des personnes qui ont subi des traumas. La preuve en est, ils sont capables d'aller dans les endroits où les personnes sont vulnérables et qui ont subi du trauma à la sortie des hôpitaux psychiatriques, les personnes qui sont addictes à la drogue, et c'est ces personnes-là qu'on recrute, c'est ces personnes-là qui vont rentrer dans la prostitution, et comme évidemment elles sont isolées, elles sont précaires, c'est pas pour elles qu'on va se battre, on va dire bah, elles sont bien contentes après tout, hein, heureusement qu'elles sont là pour empêcher le viol, voilà, pour servir de dépotoir pour l'immense, pour voilà, pour tous les violeurs et tout ça, j'en sais rien. On trouve toujours des excuses et on est bien content, voilà, qu'on puisse exploiter ces personnes. Non, il faut évidemment voir la réalité derrière. Il n'y a pas de prostitution heureuse, il n'y a pas d'exploitation sexuelle heureuse, évidemment. Et donc voilà. Merci. Donc bah, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres remarques, on va s'arrêter là. Donc on se retrouve mercredi, je crois. C'est ça ? Voilà, donc si, je vous rappelle que tout le monde peut intervenir, donc tout le monde peut nous proposer une intervention. Donc si y a des gens parmi vous qui, si vous avez envie de venir nous parler de quelque chose, n'hésitez pas à venir nous voir. Pareil, si vous voulez nous rejoindre pour nous aider à organiser, à monter les bâches, les murs, etc., venez nous voir, vous êtes les bienvenus. Et oui, on vous rappelle aussi qu'il y a un système de boîte à questions, donc vous pouvez glisser des petites questions dans la boîte et on aura un créneau dans la semaine où on va, voilà, on se pose ces questions-là ensemble et on essaye d'y répondre, de débattre, etc. Voilà. Je sais pas si...